bienvenue à votre podcast hebdomadaire du Lobster, enregistré dans les studios de Notre-Dame de l'Île-Perrot, des studios qui, ma foi, ressemblent grandement à une cuisine. Voici votre dose de divertissement où le plaisir et la bonne humeur sera toujours au rendez-vous. Accueillez-le avec amour, votre animateur, Freddy Boy! Hey, allô, allô, bienvenue au Lobster 99.0. Quoi de neuf par chez vous? Moi, c'est la résurrection. Après les 7 jours douloureux de la semaine sainte, ce lundi, le jour de la résurrection, le premier jour d'une nouvelle semaine, inaugure un temps nouveau de paix et de joie. Ben non, on s'en fout de pas. Ce qu'on aime, ce sont les congés qui viennent avec. Moi, j'ai commencé les congés mercredi soir et recommence à travailler mardi. Ça fait du bien, surtout qu'il a fait beau. J'en ai profité pour jouer dehors, jouer sur mon terrain. Mes bulbes d'ail semés en automne sont en train de tous sortir. Ils ont environ un pouce de haut, c'est beau à voir. Mais c'est pas ça ma plus belle surprise. Non, c'est ma crèche à bébé pivoine. Il y en a plein qui sortent. Faire pousser des pivoines, c'est long. On sème, ça passe un hiver pour la dormance, et après ça fait de la racine, et ensuite ça sort. Moi, je sème des centaines de graines chaque année, et bon, j'en ai des milliers en terre là, et ça commence à sortir. Il y en a plein qui ont germé. Et pour fêter ça, ben, je m'en suis commandé encore plus. Je suis membre de deux sociétés, la canadienne et aux États-Unis, et j'ai commandé des centaines de graines des deux places durant le congé. Des États-Unis, j'ai commandé surtout des pivoines arbustives qui font des petits arbres, mais dont les fleurs sont tellement magnifiques. J'en sème chaque année depuis que je commande de cette sorte-là, car j'ai vraiment hâte d'en avoir, et les acheter en racines, ça coûte trop cher. Ça peut coûter 50$ pour une racine. Donc, en les partant à la graine, ça ne me coûtera rien. De la société canadienne, qu'est-ce que j'ai commandé? Cette année, je me suis concentré sur un choix de graines particulières. Comme je vous ai déjà parlé, notre voisin de chalet est un spécialiste là-dedans. Il y avait d'ailleurs, ce mois-ci, un article dans la revue trimestrielle américaine. Il faisait un parallèle entre l'art et la plantation de pivoine. Bref, on s'est parlé cette semaine et il me conseillait de commander les graines d'un donateur spécifique cette année, Bill Wickman, une personne avec qui lui correspond et qui fait plein de croisements intéressants. Donc, j'ai commandé 26 nouvelles variétés de graines, principalement de cette personne via les sociétés. En passant, quand on commande de ces sociétés-là de pivoine, ça coûte pas très cher. Par exemple, ça peut coûter entre 2 et 3 $ par variété. Puis des fois, on reçoit environ une dizaine de graines. Il y a d'autres variétés, on reçoit 50 graines. Donc, moi, je fais des commandes d'environ 100 $ aux deux places. Donc, c'est ça qui fait que j'ai souvent des centaines de graines à semer. Sinon, dans les vacances, le beau temps m'a permis évidemment de jouer dehors. Mon jardin, lui, est déjà semé aussi. Et oui, 5 avril et mes oignons, radis, pois, salades et carottes sont en terre. J'avais fait de longs bacs l'année passée, de 8 à 10 pieds de long par 2 pieds de large. Et c'est agréable cette année de jardiner là-dedans. Ça reste beau, c'est jamais envahi par les mauvaises herbes. Bref, le jardin est en route. Prochaine étape, dès que la glace termine de fondre, je devrais partir la piscine. Bon, c'est comme ça que ça commence. Bon Lobster 99.0. We'll be right back. Dans le dernier Lobster, je vous ai parlé d'une grosse mangeoire à oiseaux que j'étais en train de faire en céramique. J'étais rendu à l'étape de la cuisson. Et paf, destruction totale, échec. Durant le séchage de la grosse mangeoire en forme de carrousel, elle s'était fendue dans le bas. Mais tant qu'elle n'était pas cuite, je pouvais la réparer. J'avais donc bien réparé avec de la barbotine, là, de l'argile et de l'eau. Et une semaine après, j'ai mis ça dans le four. Mais bon, faut croire que c'était pas assez sec. Le mât du carrousel était assez gros et il devait rester de l'eau dedans. Et qu'est-ce qui arrive à l'eau quand tu montes le four à 1000 degrés pour faire un biscuit de céramique? Eh bien, l'eau bout et casse tout autour en se mettant à bouillir. C'est pour ça qu'on ne doit cuire que des pièces bien secs. Voilà, donc quand j'ai ouvert le four, ma belle mangeoire était sur le côté, le mât du milieu avait cassé et évidemment le toit en tombant a cassé le reste du bas. Bref, c'était tout détruit. Donc je vais recommencer et prochain coup, je vais tempérer mes ardeurs avant de cuire. C'était une erreur de débutant, je le sais pourtant que les grosses pièces, je suis mieux de laisser sécher un bon mois pour pas prendre de chance. Donc, durant ce congé de Pâques, je me suis quand même relancé dans un autre projet. Un jeu d'échecs en céramique. J'ai déjà fini et je le trouve pas mal beau. J'ai tout fait les pièces et là, ça sèche. Elles sont juste un petit peu plus grosses qu'un jeu standard, donc je vais juste me faire un board un petit peu plus grand, environ 16 à 18 pouces, pour accueillir les pièces. J'ai fait les pions en forme de hibou. Le roi et la reine, eux, ressemblent à un roi et une reine. Le cheval est comme un petit cheval qui est debout sur ses deux pattes. Le fou ressemble à une tour avec un toit. Il ressemble à une maison de schtroumpf, en fait. Et la tour, évidemment, c'est un rectangle sur le haut avec en haut les bouts de la tour qui dépassent. Et j'ai fait des portes et fenêtres. Bref, j'ai mis ça sur Facebook et... Bon, ce qu'on me dit, c'est que c'est très beau. Et surtout, mon garçon à qui j'ai montré tout ça, ben lui est bien content. Il a déjà hâte que ça soit cuit et coloré pour qu'on puisse l'essayer. Parlant toujours d'argile, cette semaine, j'ai soumis aussi un projet au comité organisateur du 350e de l'île Perrot où j'habite. L'année prochaine, la ville va fêter ses 350 ans et il y avait un appel de candidature pour des projets. Je leur en ai donc soumis un. Moi, mon projet est simple. La seigneurie de l'île Perrot a été concédée le 29 octobre 1672 à François-Marie Perrot, capitaine du régiment d'Auvergne et gouverneur de Montréal par l'intendant de la Nouvelle-France, Jean Talon. Donc, comme l'île tire son nom de ce François-Marie Perrot, je me suis proposé de réaliser 100 sculptures de ce François-Marie que je vais habiller d'une salopette d'époque et du blason de l'île. Et mon projet est de cacher ces sculptures durant les week-ends d'été pour que les citoyens les retrouvent. Le plan est que durant 3 ou 4 week-ends, je les cache dans les différents parcs de l'île Perrot avec un petit mot explicatif disant qu'ils ont trouvé un François-Marie Perrot. C'est comme une chasse au trésor où dans chaque parc, il y a une sculpture de bien cachée et que les citoyens peuvent ramasser et ramener chez eux. J'ai déjà réalisé 2 sculptures de test que j'ai posées et envoyées dans ma proposition de projet. Je leur ai dit que je prenais tous les frais à ma charge, que ça leur coûterait rien. Moi, j'ai pour environ 300 à 500$ de frais environ en argile, en couleur argile, et je veux me faire faire un poinçon du blason pour marquer dans l'argile, dans le dos de la sculpture, qui ça va être écrit soit 350 ans ou le blason de l'île. Bref, 30 minutes après avoir envoyé ma proposition de projet, j'ai reçu cette réponse. « Bonjour, Monsieur Lavoie, je viens de prendre connaissance de votre projet tout à fait original. J'ai essayé de vous appeler, mais il doit y avoir un appareil branché sur la ligne. J'entends un sifflement. Pouvez-vous me téléphoner? » Et la présidente du comité me laisse ses coordonnées. Donc, je pense que mon projet va être accepté, mais bon, j'arrive pas à rejoindre la personne. Son téléphone est toujours occupé. J'ai plus l'impression que le problème de sifflement de téléphone est de son côté. Mais sinon, que mon projet soit accepté ou pas, je vais le faire. Moi, j'ai juste besoin du comité pour diffuser les messages aux citoyens, leur disant que des François Perrot ont été relâchés dans la nature. Bref, si les quatre villes participent via leur site web, ça va être le fun. Sinon, ben, je le ferai de toute façon. Je vais créer quand même une page wiki du projet expliquant le tout avec la photo des 100 sculptures. Bref, tout ça est en train de germer dans ma tête. все твои законы. Я знаю все твои повадки. Не смущайся на стене иконы. Она осталась от бабки. А помнишь, мы гуляли в школе, Гарри Поттера смотрели вместе. Я тебе сыграю Цоя. Это мой плейлист для секса. Сядь, сядь мне на лицо. Сядь, сядь мне на лицо. Все твои законы, я знаю все твои повадки. А надо было в Google Chrome удалять открытые закладки. А помнишь, ты послала нахуй, когда я залипал в треклятой доте. Чё ты косишься на вазу с прахом? Бабушка не будет против. Сядь, сядь мне на лицо. Сядь, сядь мне на лицо. Не читай, но могу зачитать. Типа свой рэп шероховатый, как язык буковский. Как шрифт Брайля, никаких букв плоских. Никакой там нет нежной пошлости. Ты не кислый, не зай, хоть бросай. Ты мой супер истребитель, только без шасси. Я твоя взлетно-посадочная полоса. Сядь, сядь мне на лицо. Сядь, сядь мне на лицо. Смотри! On vient d'écouter deux chansons d'un groupe de filles russes qui se nomme Kiss Kiss, K-I-S-K-I-S. Ben, j'aimerais ça vous en dire plus sur ce groupe, mais Google Translate en arrache avec le russe, on dirait. J'ai fait traduire le nom de la première chanson et ça donne Anacondas featuring Kitty Kitty, assis-toi sur mon visage. Mais si on regarde le clip, ça montre des jeunes dans une maison où la croix divine revire de bord et où il y a des fantômes. Donc, aucun rapport avec du « assis-toi sur mon visage », ce qui laisse à penser que Google Translate ne m'a pas très bien traduit ça. Mais bon, le nom du groupe est Kiss Kiss si vous cherchez, ou sinon, faites un Shazam en le réécoutant si vous voulez en entendre plus. Bon! Durant la pause, j'ai réussi à joindre la présidente du comité pour le 350e de l'île Perrault. Et elle semble bien emballée par mon projet. Elle trouve que ça serait le fun pour les citoyens de trouver des objets d'art comme ça dans les parcs en lien avec notre 350e. Bon, elle me parlait des coûts pour aller me chercher du budget et je lui ai répété que je ne veux pas faire ça pour de l'argent. Ça, c'est un choix que j'ai décidé de faire il y a quelques années. Je préfère donner que faire payer. C'est ma philosophie derrière ça. Je n'ai pas besoin d'argent. Si quelqu'un aime ce que je fais, je préfère lui donner plutôt que de demander de l'argent et le vendre à un inconnu. Donc, non, le projet, si je le fais, je le fais à mes frais. Bref, pour en revenir au projet, il va être présenté au comité mercredi, que la dame m'a dit. Et s'il est accepté, je pourrai travailler avec elle, qui est aussi la présidente de la société de généalogie de notre ville, et elle aimerait qu'on habille la sculpture comme François-Marie Perrault aurait pu être habillé dans le temps, avec un chapeau et des habits d'époque. Bref, je suis bien content de tout ça, et ça prend une tournure que je ne m'attendais pas. La dame me questionnait aussi à savoir si on ne pourrait pas en faire une grandeur nature en bronze, pour laisser un genre de legs ou souvenir du 350e. Vite comme ça, je lui ai dit que ce serait un projet à travailler, donc peut-être que l'une de mes sculptures de François-Marie Perrault pourrait se retrouver à la fonderie d'Inverness pour être coulée grandeur nature. Ça serait quand même cool. Elle me parlait qu'elle peut aller se chercher un budget pour ça, car là, on est dans un projet de milliers de dollars, car moi, quand j'ai fait couler ma petite sculpture de 10 pouces de haut, ça a coûté 1500$. Donc imaginez un format grandeur nature. Mais bon, je lui ai dit qu'on pourrait travailler le dossier ensemble si on va de l'avant avec tout ça, car j'ai pas nécessairement toute l'expertise pour faire une sculpture de 6 pieds de haut, mais je connais les étapes et on peut se faire aider s'il y a du budget, donc j'ai bien hâte de voir comment ça va virer tout ça. C'est bien emballant! We'll be right back. Bon, durant la pause musicale, j'ai réfléchi. J'ai pensé à un autre projet avec la ville, le François-Marie Perrault que je me propose de faire, plutôt que de porter un béret et une salopette bleue d'antan. Il pourrait avoir une guitare dans les mains, être habillé en pantalon de cuir noir et faire le signe Devil avec les doigts, à l'image un peu du guitariste de Metallica finalement. Je m'imagine déjà présenter le tout au comité. J'entre dans la salle en faisant jouer Seek and Destroy, je lui montre la sculpture, je la tire sur le mur pour qu'elle se brise et je ressors de la salle en faisant le signe des doigts. Je vais y réfléchir car je suis pas sûr lequel des deux projets est le plus approprié pour le 350e. Les aventures de la famille Slow-Mo. Cette semaine, la famille Slow-Mo, je m'en rappelle plus. Les enfants touchés à tout, papa s'occupe plus de rien. Vous êtes surpris, hein? Vous voyez comme c'est pas facile de prendre ses responsabilités dans la vie. Oh! Oh ouais, embarque, ma jumbo, c'est gratis. Oui. Après ça, ils vont te mettre dans le truc de livraison avec la commande. Oh, du vin! 12% d'alcool. Hein, bière, 5%. Non, ils disent que c'est dangereux quand ça dépasse 0.08. Oh, du vélo! Ça, mon rodeo, il faut en manger beaucoup. C'est très, très bon pour le cerveau. Monsieur, c'est ce que votre gars, il broyait dans l'œil et il disait t'as perdu. Voyons donc, il était parti jouer avec ses amis, les cocombes. Excusez, monsieur, avez-vous des biscuits secs? Votre poulet, monsieur. Oui, mon colonel. Oh, 1 000 000 000 de tapettes de nos dernières, comme une leptune. Hurrah! Autour de toi, regarde ce qui se voit. Autour de toi, c'est la Laurentine. Elle fait pour Monsieur Net. Monsieur Net, tout brille avec Monsieur Net. Excusez-moi. Tout aussi doux que du vrai coton. Prends-moi 300 rouleaux. Hey, mais 300 rouleaux, pourquoi faire? La même chose que toi, mais plus souvent. Excusez, monsieur. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Meilleur avant, best before? Ça veut dire que c'est un produit là, qui doit être consommé avant la date inscrite. Ouais, ben, ma jumbo, t'es pas chanceux. Il va falloir être acheté aux poubelles. Tu fais 67,5. Acceptez-vous les coupons? Évidemment, ouais. Bon, ben, arrange-toi avec ça. Bye-bye! Puis oubliez pas de me livrer ma jumbo avec la commande. Avant de vous quitter, je dois vous parler de mon dernier projet un peu fou. Chaque année, quand je reçois mon bonus au travail, je me dis toujours « je vais m'acheter ceci, je vais m'acheter cela ». Et cette année, au moment du bonus, j'avais le goût d'avoir un Theremin. Je pense que je vous en ai déjà glissé un mot. Mais là, c'est fait, il est commandé. C'est quoi le Theremin? Ben, le Theremin, c'est un des plus anciens instruments de musique électronique. Ça a été inventé en 1920. C'est quoi? C'est composé d'un boîtier électronique équipé de 2 antennes. Et l'instrument a la particularité de produire de la musique sans être touché. Moi, j'ai évidemment commandé une version 2021 de l'instrument. C'est la compagnie Moog, M-O-O-G, qui fait ça. C'est un Theremini, que ça s'appelle. Ça coûte 500$ plus taxes et il arrive dans 2 semaines. Je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer, mais c'est un instrument qui joue de la musique sans que tu lui touches. Notre corps agit comme une grosse résistance et c'est juste en approchant nos mains des 2 antennes qu'on produit de la musique. Le Theremini vient comme un synthétiseur préchargé avec le plein de sons différents. Je peux évidemment le brancher sur mon ordi et via mes logiciels de musique lui faire jouer plein d'autres sons. Donc, je trouvais ça cool de faire de la musique sans toucher à l'instrument. Mais bon, on verra bien dans 2 semaines si j'arrive à faire de quoi avec ça. C'est pas garanti. Mais en attendant, voici quand même un exemple du son qu'on nous montre dans le démo. Donc, on écoute ça. Thank you. Voilà à quoi vont ressembler les prochains lobsters si j'arrive à jouer du theremin. Je ne garantis pas que je vais arriver à reproduire ça, mais je vais essayer. Ça fait des années que j'essaie de jouer d'un instrument, mais j'ai aucune base musicale. J'ai un synthétiseur, une guitare électrique, un orgue avant, un orgue normal, bref, j'ai plein d'instruments pour m'amuser, mais aucun ne m'a donné la satisfaction jusqu'à maintenant de jouer de quoi qui ressemble vraiment à de la musique. Donc, le Theremin va être ma prochaine tentative de devenir instrumentiste. Voilà, c'est assez pour moi cette semaine. Je vous laisse en musique et avec Kaamelott. Et la semaine prochaine, ce n'est pas une surprise, vous aurez droit à l'épisode 100 et à ma pièce de théâtre. Sur ce, bonne fin de Lobster! T'es seul ou ils étaient plusieurs? Qu'est-ce que ça change? Bah ça change que s'ils étaient plusieurs, ça finit par un i. Mais bon, ça va, j'ai pas encore accordé, alors. Non, il était tout seul. Quoique lui plus l'autre... Non, ils étaient plusieurs, en fait. Quand la vieille est arrivée, j'ai eu les jetons que ce soit une sorcière. Mais quelle vieille? Il y a 2 minutes, c'était un vieux. Bah non. Ah si, vous avez dit je me suis fait accoster par un vieux. Non, le vieux, c'était celui qui m'a vendu le cheval malade. Mais... c'est le même vieux que tout à l'heure? Non, mais c'est une vieille, là. Sire, on va pas passer la journée là-dessus. Non, vous allez pas encore changer. Comment ça? Mais ça fait 3 fois depuis tout à l'heure! Moi, je suis parti avec un vieux, là, c'est bon, maintenant. Je vais pas me retaper une page d'écriture parce que subitement, c'est devenu une vieille. Mais c'est pas que ça change, c'est qu'on comprend rien. On apporte des modifications au fur et à mesure. Ouais, bah, apportez-les vous-même, les modifications, moi j'en ai marre, hein. J'arrête, allez. Ouais, bah, excusez-moi, je m'énerve, mais j'avais réussi un superbe S. Et c'est là que le seigneur Caradoc arrive en boitant. Une tension sur tout l'arrière de la cuisse. Moi, qu'est-ce que je fais? Je vais vers lui. Sauf qu'avec l'orage, mon cheval a pris peur et s'est foutu le camp. Mais j'avais compris qu'il était mort, votre cheval. Lequel? Comment lequel? Combien vous en avez de chevaux? Hein? Puisqu'il y en a un qui est mort. Vous en aviez 2? Ah oui? Non, mais celui qui s'est barré, tel quel, le malade? Ils étaient tous les deux malades, de toute façon. Moi, j'ai mis un fidèle destrier harassé par la tâche. Vous m'avez jamais parlé d'un deuxième. Qu'est-ce que ça peut foutre s'il y en a un qui est mort? Non, je crois qu'on s'est mal compris, là. Vous avez une idée du temps qu'il me faut pour tracer une lettre avec ces putains de plumes? Personne ne vous demande de tout noter aussi, hein? Ah si, si, si, c'est moi qui demande. Oui, on se demande bien pourquoi. Mais pour vous faire entrer dans la légende. Parce que je vous signale qu'entre vos chevaux morts et vos chevaux malades, moi j'ai une légende à écrire. Bon, il me semble qu'il nous parle bien de travers, le Cureton, aujourd'hui. Ouais, c'est ça, allez jouer ailleurs avec vos paperasses, là. Hein? Qu'est-ce qu'on en a à foutre de vos bouquins? En plus, c'est du latin, personne n'est foutu de les lire, alors... Ah bah si tout le monde s'en fout, ah bah je vais pas insister pour me faire mal au doigt, allez. Non, non, non, non, non, non, c'est pas une option. Vous notez tout, c'est pas autrement. Alors par contre, personne vous demande d'aller me faire des lettrines de 15 bornes de haut avec des fleurs et des angelots partout, hein. Attendez, enlevez pas les dessins, c'est le seul truc que je comprends. Bon, et une fois que vous avez passé le poste frontière, vous avez retrouvé la route sans difficulté. Après, oui, je me suis repéré. Bon, puis après, vous êtes revenu, et puis ça va maintenant, c'est fini. Fini. Bon, ça va? Vous avez pu vous en sortir? Oui, oui, oui, c'est maléfique. Oui, bon, il y a des taches, c'est tout barré. J'ai tellement raturé que j'ai transpercé le papier. C'est immonde. On dirait que j'ai lavé par terre avec, mais c'est fait. Bon, ce qui compte, c'est ce que ça raconte, non? Sans vouloir être blessant, ce que ça raconte, ça casse pas les briques non plus, hein. Vous aurez peut-être le temps de le remettre au propre plus tard. Oui, parce que ça serait dommage de perdre ça. Oui, la fabuleuse légende du cheval malade de Perceval. Attendez, je vous raconte des conneries, moi. Le vieux, c'est le jour d'avant. Non, j'avais raison, finalement. C'est cette conne de vieille qui a dû refiler la crève à mon cheval. Vous pouvez rechanger ou c'est chiant? Ah non, non, j'ai sauvé les deux, la mère et la fille. Bon, ça va, vous pouvez corriger? Bah, je sais pas trop. Là, j'essaie une nouvelle combine. Je passe sur les fautes avec de la peinture dorée pour réparer les armures. Oh merde, mais c'est magnifique! Sans déconner, vous trouvez pas ça hyper classe? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Vous ronflez. Ah, pardon. Pardon, oui. Vous m'avez réveillé. Vous pourriez faire gaffe quand même. Je me lève tôt. Eh. Y a rien, Bort. Attendons encore quelques minutes. Ça va peut-être revenir. Mais ça fait un quart d'heure qu'on se gèle les roues en plein milieu, là. Je me lève dans 4 heures, mon petit pote. Alors, vous avez rêvé, y a personne, bonne nuit. Mais je suis pourtant pas fou. Votre père se trouvait là, sur votre trône. Sa chevelure tout ébouriffée. Il était entouré d'un halo blanc vaporeux. Il disait qu'il allait revenir prendre le pouvoir. Soyons francs, Port. Je ne sais pas ce que vous avez bouffé avant de vous mettre au plumard, mais vous m'avez tout l'air d'avoir fait ce qu'on appelle communément un mauvais rêve. Mais votre père. Mais mon père, il est calanché depuis longtemps. Il est enterré dans la crypte avec sa couronne, son armure et tout le barda. Je vois difficilement comment est-ce qu'il pourrait revenir prendre le pouvoir, d'autant qu'il a jamais été foutu de le garder de son vivant. Camelot l'est hanté, sire. Mais non. Pendragon est venu reprendre sa place. Mais Pendragon, sa place, ça n'a jamais été là. Camelot, ça n'existait même pas de son temps. Mais pourtant, c'était lui, je l'ai reconnu. Mais non, mon père, il n'était pas ébouriffé, déjà. Hein. Il avait une coupe à la con, mais c'était plutôt aplati. Et puis, il n'était pas vaporeux. Allez, au lit. C'est bon maintenant, je peux aller me coucher. Attendez, sire, vous allez pas me laisser seul ici. Vous êtes à votre chambre, qu'est-ce que vous voulez de mieux? À ma chambre, et qui va m'accompagner jusqu'à mon lit? Ah mais c'est pas vrai, mais vous allez me gonfler jusqu'à quand? Une heure que je crapahute dans le château avec ma bougie, ça va bien maintenant? Sire, je vous en conjure, il ne faut pas qu'on se sépare. Le spectre de votre père crie vengeance. Vous savez, Bohort, que pas plus tard que la semaine dernière en Orcanie, le roi Lot a fait arracher la langue et les ongles d'un de ses chevaliers parce qu'il lui avait renversé du jus de viande sur les pompes. Mais quel rapport avec le fantôme? Vous trouvez pas que comme souverain, je fais quand même partie des souples? Vous me réveillez en pleine nuit, sous prétexte que mon père se balade dans les couloirs. Moi, bonne pomme, je me lève, je vais voir, j'attends pendant des plombes. Et au bout d'un moment, quand manifestement, il n'y a rien, parce que manifestement, il n'y a rien, Bohort, admettez-le, je vous raccompagne jusqu'à votre porte parce que vous chiez dans vos caleçons. Je ne chie pas dans mes caleçons, sire. Je vous réveille pour un cas de force majeure. Uther Pendragon crie vengeance, vous êtes en danger. Non, mais moi, ça va, Bohort. Je vous remercie de votre sollicitude, mais je vais me débrouiller. Vous partez? Oui, je pars. Je pars me coucher, figurez-vous. Je vous accompagne. Pas question. Je ne fais que mon devoir. Le roi est en danger, je lui fais escorte. Donc, vous m'accompagnez jusqu'à ma porte et vous revenez. Voilà. Sauf que quand je reviens, il faut me raccompagner. Bon, je vais vous faire mettre au cachot. Attendez, écoutez-moi. Non, mais je vous écoute, simplement je vous préviens, je vous le dis, je vais vous faire descendre en cabane avec un pichet de flotte à bout de pain sec. Je suis désolé, je suis démuni, je vois pas d'autre solution. Puis je pense que ça vous donnera un peu l'occasion de réfléchir un peu à tout ça, d'être opposé, de prendre un peu de recul sur les choses, parce que Bohort, on ne réveille pas son roi en pleine nuit pour des conneries, encore moins deux fois de suite. J'ai très nettement entendu des cris dans le couloir. Mais oui, mais comment expliquez-vous le fait que moi je ne les ai pas entendus? Et parce que vous dormiez. Précisément. Alors, qu'est-ce qu'on fait, sire? Vous allez vous recoucher, je vous fais foutre au trou. Bon, libre à vous de ne pas tenir compte de mes mises en garde. Merci bien. Par contre, il faut me raccompagner à ma chambre. Qu'est-ce que vous trafiquez depuis tout à l'heure? Je me tape Bohort. Enfin, je me tape Bohort. Oh, vous faites ce que vous voulez. Non, mais... Oh, bref. Ce coup-là, je me le fais. We'll be right back. J'avais envie de vomir. J'suis devenu écolo pour sauver les forêts. Mais j'ai très vite compris que tout le monde s'en foutait, que les gens préféraient rouler dans leur bagnole. Et tant pis pour leur môme s'ils bouffent du pétrole. Aujourd'hui j'crois en rien, finalement c'est très bien. J'crois en rien, j'crois en rien. Aujourd'hui pour devenir une crapule. Je me suis mis à croire, j'ai cru en la religion. Mais j'ai très vite compris que c'était un piège à con. Beaucoup trop de sermons de gens qui parlent en ton nom. Beaucoup d'intolérants, jamais de compassion. Aujourd'hui je crois en rien, finalement c'est très bien. Je crois en rien, je crois en rien. Aujourd'hui je crois en rien, finalement c'est très bien. Je crois en rien, je crois en rien. Mais dans le monde d'aujourd'hui, ça ne rapporte plus de blé. J'ai cru en la défonce, je suis allé en enfer. J'aime beaucoup trop la vie, je suis revenu sur terre. Oui, j'ai cru en l'amour, celui qui dure toujours. Mais les plaisirs d'amour, hélas, ne durent qu'un jour. J'ai cru en l'amitié, mais j'avais pas compris qu'on est toujours trahi, oui, que par ses amis. Aujourd'hui, je crois en rien, finalement, c'est très bien. Je crois en rien, je crois en rien. Aujourd'hui, je crois en rien. Alors, Xub, oui, une Grutelbit. Oui, nous permettre d'être notch. Où est-ce qu'on est rendu? Je sais pas, mais je pense que j'aperçois la Terre dans le windshield. Juste à partir les wipers, ça va s'en aller. Non, je veux dire la planète. Bon, pis comment ça se fait qu'on bouge pas, là? Ben, j'attends la lumière, c'est bien long, ça va-tu prendre une année? Je comprends pourquoi ils disaient qu'ici, c'est des années-lumière. Base 8001, appel Astronef Z23538. Oui, base 8001, ici Astronef Z23538, reçu. Quelle est votre position? On est assis. Merci. De rien. Bon, si on syntonisait la radio sur Terre pour obtenir quelques informations. C'est bien plate, ce radio-là. Mets-nous donc notre bonne radio de chez nous. Tout de suite. Vous écoutez la radio interstellaire, là, on prend vos demandes spatiales. Oh, oh! Il fait 875 degrés à l'extérieur, c'est chaud! Habillez-vous comme il faut, oubliez pas votre soute, là, parce que sinon, vous allez arriver au bureau, pis y'a des gens qui vont vous dire qu'il n'y avait pas commandé de poulet, là. Je pense qu'on va laisser faire la radio. Amorçons la descente sur Terre! Oui, pis oublie pas qu'il faut atterrir dans un champ pour pas être repéré. Négatif, j'ai aucun programme qui va dans le champ. Tape démon du midi, pis paye sur Enter. Ça marche, nous approchons! Tiens, v'là une ville. Ça y est, on est repéré. Je vois un bras qui fait des babayes avec un mouchoir. Nous survolons Montréal. Éloigne-toi du centre-ville. De toute façon, il n'y a pas de parking ici. Tiens, v'là un champ. J'atterris ici. OK, parfait. Pose-toi pas complètement. Hein? Pose-toi pas complètement. Bon, ça va faire une grosse trace ronde. Ah, inquiète-toi pas, ça finit toujours par passer pour une farce. OK, attention. Ici, il y a de l'oxygène. Nous autres, on respire pas. Ça fait qu'il faut apporter des bonbonnes de pas d'air. D'accord, mais qu'est-ce qui arrive si on vient qu'à manquer de pas d'air d'un bonbon? On pourra plus pas respirer. Il s'agit de retenir ton pas de souffle jusqu'à temps qu'on revienne en courant. Alors, j'ouvre la porte. T'es-tu prêt? Oui, vas-y, je suis prêt. Azouille! Alors attention, observe bien la photo. Un être humain sans deux pattes, deux cheveux noirs, dreads sa tête, des grosses lunettes à monture noire avec la langue sortie, avec une peau blanche puis des grosses taches noires, puis ça dit toujours, est effrayante. Bon, ben on passera pas inaperçu parce que j'en vois une quinzaine dreads devant nous. Non, tu te trompes, ceux-là sont sur quatre pattes puis ont pas de lunettes. Ben justement, c'est parce qu'ils ont perdu leurs lunettes qu'ils sont à quatre pattes. Faisons un détour, j'aperçois un habitacle là-bas. Allons-y vite. Entrons. Vite, dépêchons-nous de trouver de l'information. Y'a pas l'air d'en avoir ici. Y'en a pas ici non plus. Ok. Aïe, aïe! Qu'est-ce que c'est ça? Je viens de trouver quelque chose! On dirait un ruban magnétique dans une petite boîte! Ok, mets-toi là dans la bouche, on va l'écouter! C'est ça, pourquoi tu te le mets pas dans la bouche, toi? Parce que mon dentier est pas stéréo! Bon, ok, à gauche, j'enlève mon tuyau de bonbonne pas d'air, sorti mon pas respire, tu me mets la petite boîte dans la bouche, tu me remets le tuyau de bonbonne pas d'air, puis tu me pèses sur l'oreille! Go! La radio, la télévision et les disques, ces médias qui ont une allure si magique, sont réalisés par le peuple et ses défauts. Ils ont une allure si magique parce que leur but est de cacher ses défauts. Ils n'y parviennent pas toujours. Ok, stand by, le nouveau, là, t'es-tu prêt? Oui. Ok, alors tu lis ta nouvelle, suivi d'un bref commentaire, ça va? Oui. Attention! Bonsoir, mesdames, les nouvelles et messieurs. Voici maintenant les demoiselles internationales. Les nouvelles internationales, dis-je. Bonsoir, les demoiselles, dis-je. Aujourd'hui, je dis-je. Le président de l'État-Unis, des États-Unis, dis-je. Monsieur Bush, dis-je. A une conversation, une conversation, dis-je. Téléphonique avec sa dame aussi pour parler. Avec Saddam Hussein, dis-je. Point, dis-je. Les pourparlers, dis-je, sont dans le stucco, dans le statu quo, dis-je. Dans le statu quo, dis-je. Depuis que les Irakois, les Irakiens, dis-je, sont aux couettes. Les relations irakettes, Irak-couette, dis-je. Mettre monsieur Bush, dis-je, dans la boîte, dans l'eau bouillante, dis-je. Ah, maudis-je, que c'est dur! Voilà un annonceur qui risque de se faire offrir un autre emploi. Cette laveuche sécheuse, cette laveuche gesseuse, disent, a été remis jeunesse. La brassinge de lit est encore dedans, les vieilles feuilles de bounce. On demande 200 $, 239-2433. Vieux Kodak avec flaque, vieux Kodak avec flush, dis-je. Non, vieux Kodak avec fliche, d'âge, camérage avec flas, dis-je. Ah, vieux Kodak avec un flash, bon, dis-je. 100 $, c'est une aubaine, 233-2315. Ce mobilier de cuisine au style de colon, nial, dis-je. 4 chables d'une thèse, non, 4 chèvres d'une tasse, dis-je. Non, 4 tables d'une chaise, dis-je. 150 $. 553-1599. 4 pneus à la fesse peinturés en bleu pour décorer le talent, peinturés en blanc pour décorer le talus, dis-je. On demande 25 $, on peut rejeter les peindre. On peut rejoindre les pédiges à 779-9866. Cette canadienne doublée de Duvaudet. Cette canadette doublée de Duvaudet, dis-je. Cette canadette doublée de Duvaudet, dis-je. Cette canadienne, dis-je, doublée, dis-je, de Duvaudet, dis-je. 50 $, 282-2788. Les plus magiques de ces émissions à la télé existent spécifiquement pour égayer ou consoler les enfants. Rodrigue, arrête de courir comme ça, là. Tu vas te faire mal à un moment donné. Ben non. Quand tu diras pas que je t'ai pas averti. Bon. La tête dans la porte. Viens-t'en ici, mon petit coco, là. Viens-t'en. Bon, t'es fait un gros bobo, là? Non, chaque mois, pas. Bon, ben écoute, c'est passé, le fini, bébé bobo. Bon, okay. Tu veux-tu regarder ton petite émission de Monsieur Bonheur? Oui. Bon, on va allumer la TV, là, tiens. Salut mon tout petit, comment ça va? Allô? Eh ben dis donc, tu t'es cogné la tête sur la porte. Oui. Puis t'es poussé une petite prune sur le front. Oui. Eh ben c'est pas grave ça. T'as pas chialé quand il t'a poussé un cantaloupe entre les deux épaules. Ben écoute bien l'histoire de Monsieur Bonheur. Allez, chante avec moi. Fou de la pouite, pas de la douite. Fou de la douite, pas pouite de la pouite. Il était une fois un petit garçon comme toi qui s'est rentré à tête d'un porte tellement fort qu'il était obligé d'aller à l'hôpital avec sa porte. Comme ils n'ont pas été capables d'y enlever, il était très malheureux de traîner sa porte partout. Ses parents, pour le consoler, ont tout fait. Ils ont acheté une belle serrure neuve, ils ont posé une sonnette à trois mélodies puis des nouvelles peintures. Il y a rien qui faisait. À un moment donné, il s'est trouvé une job comme doorman. Puis il a commencé à être heureux. Puis il s'est trouvé une blonde, puis il a commencé à s'adonner aux plaisirs charnières. Tu vois, il y a toujours moyen d'être heureux quand même. On aimerait donc parfois que ce type de programme existe aussi pour les adultes. Qu'est-ce que t'as donc, Roger? Oh, ça va mal à la job, puis ça va mal avec ma blonde, puis j'ai pas une étiquette, puis il y a la souffleuse là, qui a soufflé mes vidanges sur le perron. Bon, ben, OK, on va allumer la TV, là, on va écouter Monsieur Bonheur. Ah oui, ferait du bien. C'est moi, Monsieur Bonheur. Salut, mon gros, comment ça va? Bon. Pas bien? Bon. T'es allé à job ce matin, puis ton boss t'a donné un petit papier bleu. Ouais. Puis après ça, t'es retourné dans ton auto, puis t'as trouvé un petit papier blanc. Ouais. Puis après ça, t'es arrivé chez vous, puis il y avait comme un petit papier jaune sur le frigidaire, marqué adieu. Ouais. Puis après ça, t'es allé à la salle de bain, puis il y avait pas de petit papier. Mm-hmm. Ben écoute bien l'histoire de Monsieur Bonheur. Chante avec moi. Fou de la tweet, tapis de la tweet, fou de la tweet, tapis de la tweet. Comme ça, tu t'es fait souffler tes vidanges sur le perron par la souffleuse. Mais je vais te raconter l'histoire du gars qui s'était construit une belle galerie juste sur le bord du chemin. Puis quand la souffleuse est passée en hiver, elle y a tout soufflé sa galerie. Puis pas rien que ça, elle y a tout soufflé sa galerie par la fenêtre de la chambre à coucher. Ça fait que quand ils sont réveillés le matin, il y avait plein de brins de scie dans la chambre, puis il y en avait dans la bouche. Puis eux autres qui voulaient déjeuner en mangeant sa galerie, ben finalement, ils ont mangé à galerie pour déjeuner. Puis là, ils ont composé une belle chanson qui est très populaire aujourd'hui, moi te la chanter. En avalant le perron. Paradoxalement, d'autres programmes ont pour but de placer les défauts en premier plan. Contrairement au bonheur cette fois-ci, on parle de tristesse. Mouchoir, mesdames et messieurs, bienvenue à C'est donc triste à soir. Ici André est bouché. Ce soir, on fait pleurer quelqu'un qui a manqué sa vie parce qu'il a commencé à boire sa dose il y a une vingtaine d'années et malheureusement, il l'a pas encore fini aujourd'hui. Ça fait que sa femme et ses cinq enfants sont partis avec tout ce qu'il y avait. Il a plus rien, il vaut plus rien, il fait plus rien. Sa vie est une fausse, ça plus rien. Il reste plus juste la santé parce que même les microbes veulent plus de lui. Bonsoir, monsieur Raté. Bonsoir. Pardon? Bonsoir! Vous, en fait, vous avez pas beaucoup d'ambition dans la vie. Votre vie, c'est on est chaud puis on descend. Oui, mais à partir d'asseoir, c'est on descend votre chaud. Vous couperez ce bout-là, là. Dites-moi, monsieur Raté, est-ce qu'il y a quand même moyen de tirer un profit de la vie avec la tristesse? Non, mais j'en connais une qui fait un moyen profit avec la tristesse dans la vie. Coupez ce bout-là aussi, là. Monsieur Raté, vous menez depuis quelques années une vie de trou de cul, finalement. Comment vivez-vous votre trou de quisme? Je vous avertis, madame Boucher. Là, vous essayez de me faire pleurer, là, mais ça marchera pas. Ah non? Ben, c'est bien ce qu'on va voir. J'ai une enveloppe pour vous, là. C'est quoi? C'est le montant qu'on vous donne pour l'émission de ce soir. Bon, attendez, il y a le régisseur qui veut quelque chose, là, quoi? Mais qu'est-ce qu'il y a, pauvre toi? Ah bon, on a une pause publicitaire et on revient. Pour bien brailler sans dégager de mauvaise haleine, mâchez la gomme Pleurette. Et pour décongestionner vos narines durant le pleurnissage, il existe les pastilles Chial Mentholyptus. De retour à André Bourgier, la pointue. Hey, vous coupez ça, ce bout-là, là. Bon, monsieur Raté, voulez-vous un Kleenex? Oui. Bon, ben, voulez-vous un autre? Oui. Bon, prenez donc la boîte. Ben, prenez le rideau, là. Parlez-nous de votre enfance, maintenant. Et ta boire, on dirait Chewbacca qui vient de s'asseoir sur Bart Simpson. Est-ce qu'on l'entend bien pleurer, là? Est-ce qu'on peut approcher les micros, qu'on l'entende un peu plus pleurer, s'il vous plaît? Plus proche. C'est beau, approchez la caméra aussi un peu, là, qu'on voit ses larmes. Puis approchez le micro des larmes, faudrait entendre ses larmes aussi, là. Bon, c'est bien. OK, alors, Monsieur Raté, pouvez-vous nous parler un petit peu de votre petite fille? Ça vous aiderait-tu si on mettait un petit peu de musique? C'est tout pour ce soir. À la semaine prochaine. Il y a aussi la magie des téléromans. Les scénarios étant assez simples, il est important de mettre l'accent sur la présentation. Dans la plupart des cas, on fait bien plus attention à la prise de son qu'au contenu. Oui, entrez. Ah, c'est toi, Gilles. Salut, comment vas-tu? Ah. Dis donc, mon Gilles, qu'est-ce que t'as? Tout le monde au bureau dit que tu te promènes la tête entre les deux jambes ces temps-ci. Oui, puis je t'ai dit que c'est pas un maudit cadeau. Ben, je te comprends donc, surtout quand tu cours. Des fois, je me dis que j'ai besoin d'un bon coup de pied dans le derrière. Ah, si c'était pas que j'avais peur de te péter un œil, je t'en donnerais bien un. Attends, je vais t'aider à te sortir de là. Merci. Assieds-toi donc. OK. Oui. C'est du bon fauteuil, ça. Merci. C'est du cuir, c'est ouais, Ikea, ouais. C'est Ikea, ouais. C'est ça. T'achètes-tu de t'asseoir? Oui, oui. Bon, ben, raconte-moi ça. Bah, tu sais, il y a mon premier qui se marie. Sérieux? Ah ouais. Puis mon deuxième qui fait une grippe, là. Ouais. Ah, deuxième. Mon dernier, là, qui se fiance, ouais. Ton dernier se fiance, hein. Et puis mon tout, ouais, t'as une famille de cave. Ouais. Ah ouais, ouais. Dis donc, veux-tu un café? Ah, c'est pas de refus. Coudon, Gilles. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis un petit peu gêné de te demander ça, là, mais. Tu me parlerais pas dans le dos, toi, par hasard. Ah, ben avec plaisir, mon vieux, tourne-toi. Ah, t'es bien fin. Ah, oui, ça fait du bien. Oh. Tu corrects? Combien de sucre dans ton café? Ah, juste un. Ok. Merci. Un petit peu de lait. Oui, donc. Pas trop, là. C'est beau, c'est beau. Bon. Coudon, qu'est-ce qu'on entend, donc, là? Hein? Ah, oh, c'est la mouche qui est là. Une mouche qui marche sur ton bureau. Ah, oh, taboire, il donne même des micros aux mouches, et cette. Hey, la mouche! Baisse donc le volume de ton micro, on n'entend rien que toi. Hey, j'ai un micro, moi? Ben oui, t'as un micro. Hey, c'est le fun, ça. Quelle est cette belle inconnue? Faudrait que tu me dises où est-ce que t'as acheté ta tapette. Ah, oh, je l'ai acheté chez le filleul de la tapette reconditionnée. Entrez. Je vous dérange pas trop? Mais pas du tout, ma belle Suzy. Coudon, Suzy, c'est quoi ce bruit-là qu'on entend? Ben, c'est pas de ma faute, moi, si on met des micros sur mes paupières. Je veux bien comprendre, mais t'es pas obligé de battre des paupières comme si tu faisais un solo de drum. Ah, vois-tu, t'as échappé un de tes micros, là. Du côté de la radio, on entend souvent le matin des émissions qui ne traitent pas de magie du tout, mais bien de la plupart des sujets terre-à-terre qui animent la conversation des chialeux. Vous écoutez, c'est H.I.A.L. Ici Chial, sans regret. Bonjour tout le monde. Je suis écœurant, j'en reviens pas d'allure. Ça se peut-tu? Mettez-moi ça à la porte, on paye ça avec nos impôts. On prend un premier appel. Bonjour, ça a pas de bon sens. Bonjour, monsieur sans regret. Ça se peut-tu? Bonjour, madame, c'est écœurant. Félicitations pour votre beau programme. Ils nous prennent-tu pour des caves? Merci, madame, on a élu des incompétents. En tout cas, je vous dis. Ouais, qu'est-ce que vous voulez me dire, là? Ben là, en ce moment, je suis à l'hôpital, là. Puis pour encore une couple de jours, je suis branché sur une machine, là. Mais je vous écoute. Ah, ben c'est le fun, ça. Mais je vous dis en tout cas que Bell Canada, ils font dur. Qu'est-ce qu'ils ont fait encore? Ben oui, vous savez, j'étais à l'hôpital branché depuis une couple de mois, fait que. Ouais. Je peux pas payer mes comptes. Ouais. Ben, eux autres, là, ils m'ont dit que si je payais pas, ils viendraient me débrancher. Ça se peut-tu? C'est des trous de cul. Surveillez votre langage, là. Ouais, c'est ça que je vais faire. Bonne journée. Hé, hey, je te dis que ces compagnies-là, ça fait des profits faramineux, pis c'est même pas capable de... C'est des trucs maudites gang, hein, dans tes cas. Bonjour, c'est inacceptable. Bonjour, monsieur sans regret, c'est pas juste. Bon. Moi, j'arrive sur la rue Napoléon avec mon char, c'est marqué défense de stationner travaux. Pis, vous êtes-vous stationné travaux? Ben, certains, ils n'avaient pas de travaux, fait que je me stationnais. Ils ont marqué travaux pis ils travaillaient pas. Ça, c'est la ville, ça. Ouais, écoute, ben, meilleur, je m'en vais au dépanneur, je reviens, je vois plus mon char, je vois rien que l'asphalte neuf avec une bosse. Ils ont passé le compresseur par-dessus mon char pis l'asphalte par-dessus. Bon, qu'un? Pis c'est quel genre de char, qu'est-ce que c'était ça? C'est un beau véhicule tout terrain, monsieur. Bon, ben, coudonc, vous êtes rendu qu'un véhicule souterrain. Hey, c'est pas drôle, là. Hey, un beau char neuf, puis à manger comme il est là, il est rendu plus long que le kilométrage qu'il y a dessus. Ça, c'est la ville, monsieur. Hey, puis un bon véhicule économique à part de ça, il consommait presque rien sur la route. Ben, il va consommer encore moins en dessous, monsieur. Hey, puis il y avait une super transmission là-dessus. Ah, les gars, là, c'est une transmission au plancher. Heureusement que ma famille était pas dedans. Ouais, parce que ça aurait fait une autre famille sous le pavé. Ça se peut-tu, pareil, hein? Ça, monsieur, c'est le ministre des Travaux publics. Pis c'est au scrutin qu'on va pouvoir sortir scrutin-là de là. Ça, c'est vrai. Bonne journée. Bon, on va prendre un autre appel. Allô, y a-t-il quelqu'un sur l'adrénaline? Bonjour, monsieur sans regret. Là, je vous le dis, là, ça pue debout. Bon, ben, soyez-vous, ça va sentir moins. Hein, bonne. Qu'est-ce qu'il y a à part de ça? Ben, moi, j'écoutais le monsieur, là, qui parlait de son auto, là. Ouais. Moi, à un moment donné, je me suis stationné à côté d'une poissonnerie avec ma décapotable. Ça y est. Puis là, y a un gros camion chargé de poissons pis de fruits de mer qui a tout vidé son stock sur mon char. Puis quelle marque de char que c'était ça? Ah, c'était une belle Corvette 72. Ah, non, pas celle avec les sièges crapés. Ben oui. Puis mon windshield est venu tout dégueulasse, puis il me restait même plus de lave-huître. Et maudit. Puis c'était un maudit beau char, hey. J'avais un beau tableau de bord, je m'amusais à peser sur les pitoncles. Je comprends donc. Puis j'avais un criard qui sonnait assez bien, il faisait truite, truite. Y'a rien qu'une morale à ça, monsieur. Les employés du secteur privé sont pas mieux. Exactement. On prend un autre appel, puis tu vas voir. Allô, le monde, c'est de la marde. Ben, qui? Bonjour, madame, je suis indigné. Moi aussi, c'est une vraie farce. C'est ça, je m'indigne et dong. Oui, avec. Vous faites une plainte, au moins? Oui, mais le gars était parti sur son heure d'indigné. Bonne journée, on prend un autre téléphone. Allô, Saxine volée. Monsieur sans regret, avez-vous vu la loi qui est passée? Oui, elle est allée par là. Merci. Ben oui, ça a l'air qu'une nouvelle loi qui a été adoptée. Ça se peut-tu, ils sont même plus capables de faire leur loi, eux autres mêmes, il faut qu'ils les adoptent. Victorieux. Oui, allô, sac-toi en bas du cinquième. Oui, monsieur sans regret. C'est épouvantable. Ben, le ministre, là, c'est inconcevable. Non, c'est un con tout court. Dans les bois, et surtout en bordure des lacs, il peut vous arriver d'entendre le son suivant. Vous avez deviné, il s'agit d'un chasseur qui cale l'orignal. C'est un sport qui se pratique entre amis dans la nature. Ah, t'es-tu prêt, là? Oui, oui, c'est beau. OK, on y va. Oui, oui, je l'appelle, là. Voyons, taboire, c'est pas un brochet qu'on est venu chercher, c'est un orignal. Ben oui, mais c'est de même que ça crie, un orignal. Et victorieux, si on pogne un orignal qui crie de même, on se fera pas plus qu'un sandwich avec. Bon, ben, essaye donc d'abord si t'es si fin que ça. Oui, oui, moi, t'as le calé, moi, l'orignal, tu vas voir. Et si bol, pour moi, on va manger du hamster à soir. Des chasseurs plus paresseux préfèrent caler l'orignal directement par téléphone. Allô? C'est un orignal, ça, là? Oui. OK. Oui. sais pas. Je t'ai reconnu. D'autres peuvent être très surpris de ce qu'ils finissent par attraper. Ouais, vas-y. Oh, c'était beau, ça. Ouais, pas l'air d'avoir grand-chose ici. Ouais, essaye encore un autre coup. Hey, tu l'as bien encore, Libine. Ouais. Toi, c'est bien d'y aller. T'es un peu. Hey, j'entends du bruit. Ah, viens, viens, hey, prépare ton fusil. OK. Vous m'avez-tu calé, beaux inconnus? Oh non! T'as calé, Michel Louvain! Oh shit! Ah ouais, ben tire dessus, tire dessus! Mais certains chasseurs n'ont aucune conception de ce que c'est que caler l'orignal. Mais voyons, c'est donc ben pas facile! Ben oui, mais... C'est que je fais là, non? T'es en train de caler l'orignal! Mais on y est juste pas calé l'orignal, c'est caler l'orignal! Mais le moment le plus agréable de la journée est bien sûr celui où tous les chasseurs se rencontrent dans un bar pour se raconter leurs exploits. Parlant d'animaux, en plus de vivre dans leur milieu naturel, certains vivent domestiquement dans nos maisons. D'autres, moins fortunés, finissent sur notre table. Après Poltergeist, voici enfin le nouveau film de Steven Spielberg. Réveillons! Ok, tout le monde, on va passer à la salle à manger, là! Oh, Linda, la belle! Ah ouais, c'est le... bon! Ben, c'est bon! Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Puis où s'il te plaît tes petites napkins? Hein? Excuse, j'ai pas compris. S'il te plaît tes petites napkins! Hein? Quoi? Bon, eh ben, avez-vous faim, tout le monde? Ah, ben, ça commence, là, oui. Bon, ben, soyez-vous, là, je m'en vais chercher la dinde. Mais je vais t'aider, non, Linda, non, ça n'a pas de oh, bon non, non, non, laisse oui, faire ça, dinde. Non, non, non, non, toute faim, toute non, seule. Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non. Bon ben, v'là la dingue tout le monde! Oh! Puis c'est mon oncle Gaston qui va la couper! Oui, Gaston! Hey, hey, hey. Bon, alors, on va couper une petite tranche de blanc pour ma mère, hein, ma mère? Ah oui, ah oui! Bon, passe-moi ce couteau-là, là! Oh, qui s'est carotté, là? Comment ça qui s'est carotté? Y'a personne carotté? Roger mon crotté, c'est-tu toi carotté? Pas moi carotté, veux-tu arrêter? On dirait que c'est la dinde! Ah, une dinde rôtie qui rate. T'es pas payé, toi? Ben, y'en a bien qui jouent au hockey, pis y'en a bien qui anime au démon du midi! Ouais, mais ça c'est pas rôti, c'est pourri, c'est pas pareil! Ah! Tabouère, la dinde qui part à courir! Est-ce que ça va? Elle est retournée dans la cuisine! T'es un petit peu, toi, m'en prendre mon gun. Toi, rouvre la porte, pis tu vas voir m'en occuper de ta dinde, moi! Ok, attention, je la rouvre, là. Un, deux, trois! Hé, ma maudite dinde! Va t'apprendre, moi, à te sauver de ton assiette! Est-ce qu'elle est? Elle est dans le frigidaire! Qu'est-ce qu'elle fait là? Oui! Oh, la torieuse est en train de forniquer avec mon rôti de porc à l'ail! En observant la vie des animaux sauvages, il est possible, même parfois facile, de faire un rapprochement avec nous, le peuple. La pintade de Ventarde a la particularité de péter de la broue. Elle a quoi? Elle est coiffée d'une crête duvetée. Direct de chez Cardin. Et son plumage est blanc et gris. Hey, t'as pas vu mon kit de patio? En fait, la pintade est tellement vantarde qu'elle va jusqu'à téléphoner à ses camarades pour leur péter sa broue. Bon, on va appeler Gérard. Allô? Gérard? Ouais. Ta tondeuse, là? Ouais. C'est une 2 CV, hein? Ouais. Ben moi, je viens de m'acheter une 4 CV. Ouais, mais t'as même pas de gazon. Hein? Ça marche, hein, une 4 CV? Il est fâché noir. Bon, on va appeler Jean-Paul. Allô? Ouais, Jean-Paul, tu là? Non, il est allé faire des commissions, puis il est pas revenu encore. Bon, ben peux-tu dire, mais qu'il revienne, là, que s'il y avait un char comme le mien, ça fait longtemps que je serais revenu. Salut, ben. Bon, on va essayer Buddy. Hello? Salut, Buddy, tu là? Y'a pas de ça ici. C'est quoi le numéro, là? Ici, c'est 3-2-3-4-4-5-5. Ouais, y'a rien, là, check bien le mien, moi, c'est 4-3-4-5-5-6-6. Même quand les pintades de Ventarde se racontent leur malheur, c'est la compétition à savoir qui aurait l'histoire la plus triste. Hey, mon frère, il est tombé en ski, il s'est séparé l'épaule en deux, puis il s'est fendu deux côtes en même temps. Rien, là, moi, mon frère en ski, il s'est séparé en deux avec l'épaule, fait qu'il a descendu deux côtes en même temps. En parle-moi-en pas, moi, mon frère, il s'est séparé d'avec Paul, fait qu'il est revenu avec ses deux côtes de ski en même temps. Cette attitude de la pintade Ventarde fait que ses amis n'ont pas envie de l'appeler souvent. Seulement si ça fait très longtemps qu'ils l'ont pas vu. Oui, allô? Salut Fabien, ça va? Hey, ça va certain, là, je viens de me brancher le vidéo, oui, moi, là, là, pis toi? Ah oui, ça va pas pire, là, je viens de me brancher à bouilloire pour me faire un café, là. Ouais. Pis, qu'est-ce que tu fais de bord? Ouais, je fais bien mieux que ça. Mais longtemps que je t'ai pas vu, toi. Hey, moi, ça fait bien plus longtemps que toi que je t'ai pas vu. La dernière fois que tu m'as vu, je t'ai pas vu. Ouais, pis ton petit gars, lui, comment il va à l'école? Il va en turbo, c'est moi qui vais le reconduire tous les matins. Évidemment, lorsque la pintade Ventarde invite ses amis pour dîner, c'est pour leur péter de la broue avec toutes ses bébelles. Hey, bébé, veux-tu même dire, qu'est-ce que tu fais là? La souffleuse dans le salon, à cette heure. T'es-tu malade? Nos invités s'en viennent, là. Je le sais, je veux leur montrer. Hey, tu fais un feu dans la cheminée, t'es-tu malade? Elle est condamnée, cette cheminée-là. Ah, oh, ils savent-tu, ça, eux autres? Ben, ça va faire plein de boucanes dans la maison. Ben, on va pouvoir leur montrer que notre purificateur d'air marche bien. Hey, mais c'est la copie de peinture de Picasso que j'ai faite que tu mets sur le mur, toi, là. On va leur dire que c'est l'original. Ben, voyons, je l'ai même pas fini. On veut tout un paquet de numéros en haut dans le coin, là. Oh, on va leur dire que c'est ça qu'on a payé. Hey, veux-tu bien dire c'est quoi ces gros morceaux de tôle-là que t'amènes dans le salon, toi? Ben, c'est la piscine! Je l'ai démonté pour venir leur montrer cette affaire! Oh, ben, t'es, tant qu'à faire, affiche donc ça sur le mur! C'est quoi ça? C'est la vie de saisie du huissier! Le cri de la pintade vantarde prend toute sa signification une fois qu'il est ralenti. Si les animaux ont un comportement qui s'approche de celui de l'humain, ils ne sont pas à l'abri du stress. La belette instantanée est un petit mammifère dont le rythme de vie est effarant. Son quotidien se déroule à une vitesse incroyable. Bon, ben moi y aller. Ben bonne journée, là. C'est ça, salut. Allô, je suis rentré. T'as-tu passé une bonne journée? Bon, pas pire. Bon, ben moi y aller. Bon, ben bonne journée, là. C'est ça, salut. Allô, je suis rentré. T'as-tu passé une bonne... Oh ouais, c'était pas trop. Bon, ben moi... Ben bonne jour. Ok, ça... T'as-tu passé? Oh oui, c'était pas. Bon, ben, moi, y'a ben, bonne. C'est ça. Allô, je suis. T'as-tu? Oh oui, c'était. Bon, ben, moi. Bonne. C'est. Ben, voyons, qu'est-ce qu'il fait donc? Il rentre pas. Allô? Ben, où c'était donc? J'étais inquiète. Je te l'avais dit, fallait que je passe une semaine à Toronto. La belette instantanée court extrêmement vite. Hey, on va-tu repartir chez Paul? Oh, je sais pas, ça dépend qui qu'il y a là. Mais je vais y aller avant toi, mais puis je vais t'appeler de là-bas, puis moi, t'as dit qui y a là. Ok. Allô, t'es rendu chez Paul, là? C'est Paul qui parle, là. Ah ouais, Guy, tu rentres chez vous? Comprends, t'es arrivé carré sur le mur de briques de la maison. Autorieux, j'arrive tout de suite. Ouais, puis amène ton scraper. Évidemment, vu ces circonstances, la belette instantanée n'a pas la même notion du temps que nous. Allô, moi je m'appelle Gilles. Ah, moi c'est Lucie. T'es bien de mon goût, Lucie, tu sais. Ben toi aussi, Gilles. Il me semble que ça fait un petit bout de temps qu'on se fréquente, tu sais. Ouais, puis... j'y pensais. On est peut-être dû pour prendre un peu de distance, toi pis moi. Du côté artistique, cette notion du temps rapide de la belette lui cause certains problèmes. Ouais, monsieur! 10 degrés! On va écouter tout nouveau succès de Belette Sabbath, là. Écoutez bien, ils sont en 47e position et ça monte toujours. Oh, oh, ça monte, là. 30e... Non, excusez-moi, ça monte encore. 18e position. Oh, 6e, c'est incroyable! Oh, ils sont en première actuellement. Ben, faisons-les tourner avant que ça redescende, là. Oh yeah, y'a du sang sur ma napkin! Hey, on vient d'entendre un succès souvenir. Le cri de la belette instantanée traduit bien son rythme de vie. Toast Twisty! Toast Twisty! Toast Twisty!